Petit Jacques, tu vas mourir un jour, tu le sais. Mais comment et quand tu sais pas? Petit Jacques, seras-tu sûr de toi désormais? Sincèrement, je pense pas. Hey, sauras-tu dire bonjour un de ces jours? Évite ça pour moi. Petit Jacques, comment te sens-tu sans tes deux bras? Vaut mieux le haut que le bas. Petit Jacques, sais-tu encore sourire pour le rire? En tout cas, te gêne pas. Petit Jacques, as-tu déjà menti pour le faux? Si oui, c'est déjà ça. Sais-tu au moins pourquoi tu dérives? Moi je dis ça pour toi. Petit Jacques, regardes-tu souvent la télé? Oh, je dis ça comme ça. Petit Jacques, te vois-tu à demain? Parmi tous les chemins, penses-tu aux étoiles? Petit Jacques, que vois-tu pour demain? Parmi les nombreux choix de penseurs, es-tu au tien? Petit Jacques, te poses-tu des questions? Un jour tu y passeras. Petit Jacques, tu sais que tu es bête, petit con. Parfois tu apprendras. Hey, penses-tu pouvoir voter pour un fou? Si oui, tu le regretteras. Petit Jacques, ton avenir n'existera sûrement pas. C'est bien, tu n'y penses pas. Petit Jacques, te vois-tu à demain? Parmi tous les chemins, penses-tu aux étoiles? Petit Jacques, que vois-tu pour demain? Parmi les nombreux choix, penserais-tu au tien? Petit Jacques, te vois-tu à demain? Parmi tous les chemins,